Nuffen auf, yeah. Nicht auf Femmen, Robben, Mams sind dicht. Was? Nenne Frischoppen. Diaru, hey. Les portons sont chansons, tout sous le trait. Avec Toupi, chamons son ré. Yeah, yeah, Champs-Élysées. Toute la noix, ton père, ton fond, sans faire le sexy route. Hey. En tampon, vêtements, peut-être ton père, ton ciré. Fruit, bazook. Je pèse que vous pourquoi tout c'est la truite. Avec l'issant, dans les trucs. Yeah, chut, dans les trucs. Diarou, hé, diar, diar, diar. Diarou, hé, diar, diar, diar. Diarou, hé, diar, diar, diar. Diarou, hé, diar, diar, diar. Yeah, allez, ma, parce que vous. Questi giornata giaguari canta, a riposo eri il ragguazzo gianta. Questi parlare giocata, capiccio, cico, serio vuo fute con cico, cico, questi fantasma guardato, anima allora fa un culo guentato, anti sospendi Guantanamo tazzo. Tutto la notte un petto un fond son ferlo sexy brut. Un tampon vêtement peut-être ton perton si ré. Fruit, avec les chissons sem, yeah. Toutes les six sont trem, yeah. Avec Tricy son vert homme, wow. Ta ta ta ta. Diarou, hey, diar, diar, diar. Diarou, hey, diar, diar, diar. Diarou, hey, diar, diar, diar. Diarou, hey, diar, diar, diar. Ta ta ta ta.